plus des souvenirs. On fouille, on découvre, on partage. On pop, pop, pop, le grenier pop. Un rendez-vous curieux pour les rêveurs et les amoureux. On pop, pop, pop. Allô, allô, bienvenue dans le grenier pop sur CIBL 105 FM. Mon nom est Frédéric Lavoie et je serai avec vous dans la prochaine demi-heure pour prendre l'échelle qui monte au grenier et ouvrir une boîte de BD sur laquelle est écrit Tintin. Cette semaine, j'ai le goût de regarder avec vous les albums de Tintin sous l'angle de la science. Qui n'a pas en mémoire cette fusée à damier rouge et blanc qui est bien plus célèbre que toutes les fusées Ariane ou Apollo réunies? Dans Objectif Lune et On a marché sur la Lune, Hergé a imaginé le voyage spatial 15 ans avant que Neil Armstrong pose le pied sur la Lune. Et ce n'était pas de la pure fantaisie. Son dessin, ses dialogues, ses inventions, tout s'appuyait sur une vraie curiosité scientifique. Alors aujourd'hui, on va ouvrir ces albums comme on feuillette un carnet d'inventeurs. On va parler de voyage vers la Lune, mais aussi de rêves et de mystères, comme cette fameuse foudre en boule, un phénomène mystérieux que même encore aujourd'hui, à notre époque, la science n'explique pas complètement. Donc, accrochez-vous bien, parce qu'on décolle tout de suite vers la Lune. Allô, ici Fusée Lunaire, j'appelle la Terre. Allô, ici la Terre. Nous faisons actuellement reculer les tours de montage. Décollage dans une minute. Mille tonnerres de Brest. Mon Dieu, c'est horrible si j'avais fait une erreur dans mes calculs. Eh bien, cette fois, ça y est. Quels sont ces coups sourds et réguliers? Évacuation des tours terminée. Non. Ce sont les battements de mon propre cœur. Attention, plus que 30 secondes. Milou, allez, viens vite te coucher, tu entends? Milou! 15 secondes. Compte à rebours final. 10. Oh, 9, Milou! Couche-toi, 8, allez, dépêche-toi! 7. 10. 5. 4. 3. 2. 1. 0. Au fil de ses 24 albums, Hergé a entraîné des générations de lecteurs dans un univers où l'aventure côtoie la curiosité, où le réalisme scientifique se mêle à l'imaginaire et où chaque planche est une invitation à explorer le monde ou même l'espace. Hergé a également fait appel dans ses albums à plusieurs savants, mais le plus célèbre d'entre eux apparaît pour la première fois dans Le Trésor de Rackham le Rouge, le professeur Trifon Tournesol. On nous le présente comme un génie inventif, souvent perdu dans ses expériences et ses pensées. Un peu sourd, il devient un personnage comique, attachant, et c'est même cet inventeur excentrique qui, quelques albums plus tard, construira la fameuse fusée qui nous mènera sur la Lune. Mais lorsque Hergé est né en 1907, les avions ne faisaient encore que quelques petits sauts de puce entre différentes destinations. On était encore loin des longs vols qui nous font faire aujourd'hui le tour de la Terre. Mais à sa mort, l'humanité avait pris pied sur la Lune. Donc, Hergé fit de Tintin un témoin de ces grands bouleversements, même si dans ses récits, la science, souvent naïve ou fantaisiste, est utilisée au service du récit. Donc, plongeons-nous dans ces albums pour nous amuser et vérifier si les inventions et idées de Tintin tiennent un peu la route ou si elles relèvent purement de l'imaginaire. Hey, mais ça alors, regarde-moi ça. L'heure est venue de repartir. Dans Tintin au Congo, planche 40, on voit Tintin coincé dans un arbre, juste au-dessus d'un éléphant en colère qui semble prêt à s'en prendre à lui. Que va faire notre héros reporter pour se sortir de cette fâcheuse posture? À l'aide d'une loupe, il concentre les rayons du soleil sur la tête de l'éléphant qui finit par s'enfuir. Est-ce que l'idée lumineuse de Tintin tient la route? Probablement pas scientifiquement. Moi, le premier, je me suis déjà attaqué à un bout de papier avec une loupe et il ne fallut que quelques secondes pour qu'il s'enflamme. Mais qu'en est-il de la peau d'un pachyderme? Eh bien, la peau d'un éléphant peut mesurer plusieurs centimètres d'épaisseur. Elle est très dense et recouverte de poils courts et rugueux. Donc, dans la vraie vie, même si vous concentrez la lumière du soleil avec une loupe, même très puissante, vous n'allez probablement pas arriver à brûler la peau de l'éléphant assez vite pour le faire fuir. Autrement dit, Tintin a fait preuve d'une idée imaginative et audacieuse, mais la réalité physique et biologique rend ce plan totalement improbable. Surtout que c'est peu probable qu'un éléphant reste sur place plusieurs minutes, le temps que Tintin lui crée son cuir épais. Non, on doit plutôt imaginer l'éléphant lever la trompe et dire « Eh bien, jeune homme, tu devrais prendre des cours de physique avant de jouer avec moi. » Fait intéressant, saviez-vous que les éléphants se badigeonnent de boue ou de sable pour se protéger du soleil et des parasites? Donc, avant même d'arriver à brûler la peau du pachyderme avec sa loupe, Tintin aurait dû lui offrir un petit bain pour enlever cette épaisse couche de boue. Ce qui, imaginons-le, n'aurait pas été une mince affaire, même pour Tintin, et probablement qu'il aurait eu besoin du capitaine Haddock et de quelques tonnerres de Brest pour convaincre l'éléphant de se laisser laver. C'est vrai tout de même, il faut être seul pour étudier la science, ça demande beaucoup de concentration. Ah, et maintenant, allons-y, entamons le premier chapitre. Pendant que le capitaine Haddock prend un petit verre pour aider à sa concentration, poursuivons avec nos aventures de Tintin. Pour ceux qui ont en mémoire l'album « Les 7 boules de cristal », la couverture nous présente un phénomène scientifique qui reste encore de nos jours mal expliqué. Sur fond vert, on voit le professeur Tournesol dans un fauteuil suspendu, emporté par la montée d'une boule de feu incandescente. Autour de lui, des milliers d'étincelles dansent en suivant le mouvement de cette boule de feu qui l'entraîne. On parle ici d'un phénomène météorologique rare encore mal expliqué, la foudre en boule. Mais la malédiction divine s'attachera à leurs pas et les poursuivra par-delà les mers et les monts. Oh, c'est extraordinaire! Sanders venait tout juste de terminer la traduction de ce document quand il a été attaqué. La momie, elle s'est volatilisée. Lisez donc la suite de la prophétie. Et le jour où, dans un éclair éblouissant, Raskar Kapak aura déchaîné sur lui-même le feu purificateur, ce jour-là sonnera pour les impies l'heure du châtiment et de la revanche du peuple entier des Andes. La prophétie arrive à sa fin. Raskar Kapak a disparu et sa vengeance est sur moi. C'est de la sorcellerie. De la sorcellerie? Oui, peut-être. Ce que nous venons d'entendre se déroule autour de la planche 30 de l'album « Les 7 boules de cristal ». Tournesol, Tintin et le capitaine Haddock se sont rendus chez M. Bergamote qui détient la mystérieuse momie de Raskar Kapak. Et c'est à ce moment précis qu'une étrange boule lumineuse jaillit de la cheminée, flottant dans l'air de la pièce. Une foudre en boule comme vous n'en avez probablement jamais vu. Est-ce de la sorcellerie comme le capitaine Haddock semble le laisser entendre? Pas vraiment. Scientifiquement parlant, les boules de foudre sont de véritables énigmes atmosphériques. De petites sphères lumineuses, souvent jaunes, tirant vers le rouge, parfois bleu ou même verdâtre. Elles apparaissent généralement juste après un éclair, accompagné d'un crépitement ou d'un sifflement et d'une odeur d'ozone ou de soufre. Leur diamètre, lui, varie de 20 à 40 cm. Elles peuvent tourner lentement sur elles-mêmes, flotter immobiles ou glisser à quelques mètres par seconde dans l'air. Et, fait fascinant, elles semblent sensibles aux champs électriques. Plusieurs témoins disent les avoir vues suivre des fils, longer des murs ou entrer par une prise de courant. Certains racontent même avoir vu ces boules traverser l'habitacle d'un avion. Ici, j'aimerais pas ça, avoir vécu ça. De quoi nous donner la force. Dans d'autres récits, elles surgissent après un orage, précédant parfois une grêle gigantesque ou se déplaçant en silence au ras du sol, laissant derrière elles une traînée lumineuse. Leur durée de vie, elle, ne dépasse pas quelques secondes, mais certaines s'éteignent lentement presque en douceur, tandis que d'autres explosent soudainement avec un bruit sec et violent. Bref, la foudre en boule, un phénomène rare et intriguant qu'Hergé a bien reproduit dans les 7 boules de cristal. Seule la petite lévitation de tournesol reste du domaine de l'imaginaire, mais avouez que sans elle, la scène et couverture de l'album perdrait un peu de sa magie. Maintenant, après la foudre en boule, restons dans les phénomènes météo un peu étranges. Parlons de l'arc-en-ciel à l'envers d'Hergé. Toujours dans l'album Les 7 boules de cristal, dans le bas de la planche 54, une case montre un magnifique arc-en-ciel après l'orage. Mais si on regarde bien, Hergé semble s'être trompé dans l'ordre des couleurs. Et oui, son arc-en-ciel commence par le violet en haut et se termine par le rouge en bas. L'exact inverse de la réalité. Scientifiquement, dans un vrai arc-en-ciel, la lumière du soleil se décompose lorsqu'elle traverse les gouttes d'eau. 7 couleurs sont perceptibles, le violet, l'indigo, le bleu, le vert, le jaune, l'orange et le rouge. Mais revenons à nos moutons, à nos rayons. En fonction de sa longueur d'onde, chaque couleur subit une déviation qui lui est caractéristique. Chaque couleur est déviée selon son angle. Le rouge apparaît en haut car il est moins dévié, environ 42 degrés. Et le violet tout en bas est le plus dévié, environ 40 degrés. Donc, si vous voyez un arc-en-ciel où le violet est au-dessus, soit vous êtes à l'envers ou simplement dans une case d'un album de Tintin. Mais attention! Il semble, d'après mes lectures, qu'il existe vraiment des arcs-en-ciel inversés, qu'on appelle arcs circumzénitaux. Ceux-là ne sont pas dus à la pluie, mais à la réfraction de la lumière dans les cristaux de glace des nuages cirrus. Ils forment un sourire coloré dans le ciel, et cette fois, le violet est bel et bien au-dessus. Sauf que, dans l'album de Tintin, on voit bien un paysage de pluie, donc il ne s'agissait pas d'un phénomène de ce genre. Hergé, méticuleux comme il l'était, connaissait sans doute la forme générale d'un arc-en-ciel, mais pas nécessairement l'ordre exact des couleurs. Et surtout, rappelons que dans les années 40, Hergé n'avait pas accès à Google Images pour vérifier son spectre lumineux. Et maintenant, intéressons-nous à un objet mythique du professeur Tournesol, son pendule. Dans quelques albums de Tintin, on voit le professeur Tournesol balancer tranquillement son petit instrument, convaincu qu'il pourra retrouver un objet perdu. Emmenez le professeur et Gino et allez vous cacher dans les environs du bunker. Entendu. Le capitaine et moi partons à la recherche de Karedas. Je pense que Milou va retrouver sa trace grâce au chapeau. D'accord, mais sortons d'ici avant qu'Alan ne s'amène. Professeur, venez, le temps presse. Ah oui, vous l'avez remarqué, vous aussi, incroyable. Les plus fortes oscillations que mon pendule ait jamais enregistrées. Allez, venez. Oh, mais regardez, non mais regardez, c'est la première fois que je vois ça. Jamais le pendule du professeur Tournesol n'avait connu pareille oscillation. Décidément, il y a du paranormal sur cette île quelque part entre Jakarta et Sydney, où le vol 714 pour Sydney a été détourné. Ce geste bien connu de ceux qui s'intéressaient à la radiesthésie a fasciné des générations entières. On disait qu'avec un simple pendule, on pouvait trouver de l'eau, de l'or, des trésors ou même des personnes disparues. Tournesol, lui, tient le pendule entre son pouce et son index, le bras tendu, le regard fixé, comme s'il lisait les vibrations de l'air. Le pendule oscille doucement, semblant avoir sa propre vie, tandis que chaque mouvement du professeur traduit ses intentions et sa concentration. Mais alors, qu'en dit la science? En réalité, le mouvement du pendule de Tournesol n'est pas mystérieux du tout. Non, il s'explique par un phénomène bien connu en physique, l'effet idéomoteur. Autrement dit, c'est votre propre main qui bouge sans que vous en ayez conscience. Votre cerveau anticipe ce que vous pensez détecter et vos muscles traduisent cette attente par de minuscules mouvements involontaires. Résultat, le pendule bouge, mais bon, il ne détecte rien d'autre que vos pensées. Et pourtant, dans les années 1940 à 1950, la radiesthésie était prise très au sérieux, même que certaines armées avaient testé les chercheurs d'eau au pendule pour localiser des nappes souterraines. Donc, Hergé, lui, fidèle à son époque et à sa curiosité scientifique, s'en est amusé. Avec Tournesol, il joue sur cette frontière entre science et croyance, raison et intuition. Et bon, il faut bien le dire, voir Tournesol se promener le pendule à la main, concentré, tandis que le capitaine Haddock lève les yeux au ciel, c'est un petit chef-d'œuvre d'humour et de satire douce. Et bon, maintenant, une petite pause musicale avec la chanson « Allume tes 100 watts », un retour au Québec des années 80, la chanson-thème de l'émission jeunesse du même nom, diffusée sur Radio-Québec. On écoute ça et au retour, on poursuit avec notre spécial sur la science et les albums de Tintin. De retour dans le grenier pop en ce vendredi qui nous rapproche doucement de ces deux journées de congé bien méritées. On poursuit donc notre petite enquête dans le monde de Tintin. Cette fois, on s'intéresse au sérum de vérité. C'est dans l'album Vol 714 pour Sydney, planche 13, qu'Hergé met en scène une tentative d'extorsion grâce à ce sérum. Pour obtenir le numéro de compte de Careidas, l'affreux Rastapopoulos croit avoir trouvé un système infaillible, lui injecter du sérum de vérité. Résultat, oh là là! Au lieu de répondre aux questions et de fournir son compte, Careidas raconte plutôt sa vie. Une excellente approximation de ce que fait réellement le sérum de vérité. Bien sûr, les films et les bandes dessinées font la part belle aux méthodes d'interrogation utilisant cette substance, leur prêtant une efficacité quasi magique. Mais malheureusement, la réalité est différente. Les informations obtenues au moyen des sérums de vérité sont très peu fiables, les sujets interrogés mélangeant faits réels et imaginaires. Mais si on est vraiment en quête de vérité, comme l'affreux Rastapopoulos, est-ce qu'on peut se demander si le fameux détecteur de mensonges n'aurait pas pu faire mieux le travail dans cet album de Tintin? Eh bien, encore une fois, pas de miracle. Depuis ses débuts, la fiabilité des polygraphes a fait l'objet de vives critiques. En pratique, l'appareil ne détecte pas la vérité. Il enregistre simplement des réponses physiologiques, des indicateurs d'émotion ou d'excitation. Et c'est là le problème. Certaines personnes très entraînées peuvent contrôler ces signes et esquiver l'appareil, alors que les plus nerveux ou les fortement impressionnés par la procédure risquent, eux, d'être pris à tort pour des menteurs. Et fait surprenant, parmi les contre-mesures les plus basiques et connues figure le subterfuge de la punaise dans la chaussure. Moi, je ne connaissais pas cette technique, mais apparemment, il suffit d'appuyer sur la punaise, bref, de se piquer l'orteil au moment des réponses, pour modifier les réactions corporelles et ainsi fausser les résultats. Bref, la science peut nous aider. Les gadgets peuvent fasciner, mais la vérité reste souvent plus difficile à atteindre que ce que les fictions nous laissent croire. Maintenant, l'avion qui vole à l'envers. Victime d'un orage et d'un atterrissage un peu dur, dans l'album Tintin au pays des Soviets, Tintin a cassé l'hélice de son petit monoplace de sport. Donc, seul au milieu de l'immensité du pays des Soviets, il n'a d'autre solution que de se tailler une nouvelle hélice. Mais malheur, Tintin n'a pas taillé l'hélice correctement et l'avion part à reculons. Heureusement, il s'arrête et se retaille une hélice. Cette fois, il la taille dans le bon sens et peut enfin repartir. Et bien, qu'en dit la science? Là-dessus, Hergé était bien informé. Une hélice a effectivement un sens. C'est un peu comme un tire-bouchon. Tourner dans un sens, ça rentre dans le liège. Tourner dans l'autre, ça ressort. Donc, comme son moteur d'avion ne peut tourner que dans un sens et qu'il a taillé son hélice pour qu'elle repousse l'air, Tintin n'avait pas d'autre choix que de s'en tailler une nouvelle. Et cette fois, du bon sens, pour qu'elle aspire l'air et lui permette de s'envoler. Mais bon, j'ai vérifié, est-ce que c'est possible de faire voler un avion à reculons? Eh bien non, évidemment. Pour voler, un avion a besoin de portance qui est générée par l'air qui passe sur les ailes. Donc, le mouvement en marche arrière créerait de la portance négative, ce qui n'aurait que pour effet de faire tomber l'avion. Donc non, on ne vole pas à reculons, on vole vers l'avant, et si comme dans mon cas, vous n'aimez pas tant que ça la sensation de vol, eh bien contentez-vous tout simplement de les regarder passer au-dessus de vous. Maintenant, la pilule anti-alcoolisme, une pilule qu'on voit apparaître dans l'album Tintin et les Picaros. Est-ce qu'un comprimé pourrait guérir le fameux capitaine Haddock de son goût pour les boissons fortes? Pas sûr. Bande d'ivrognes! Je suis bien d'accord, mais c'est notre seule chance de sauver nos amis les Dupont et Dupont et Madame Castafiore. Écoutez-moi bien, j'ai fabriqué des comprimés qui contiennent un produit à base de plantes médicinales. De plantes médicinales? Mais non, pas du tout, capitaine. Ce produit n'a aucune saveur, aucune odeur, n'est absolument pas toxique. Mais celui qui absorbe un seul de ces comprimés ne supporte plus le goût de l'alcool. Et la toute première personne sur qui j'en ai fait l'expérience, c'est vous, capitaine. Moi? Vous avez osé faire ça, sinistre farceur, tortionnaire cannibale? Ma soeur, je vous préviens, c'est ma soeur à l'écart. C'est une honte, un scandale! Comprimés. Les Picaros refuseront de les absorber, professeur. Mais je vous répète que ma soeur n'est absolument pour rien dans tout ceci. Non, professeur, je disais, que les Picaros refuseront sans doute de prendre ces comprimés. À moins de les mélanger à leur alimentation. Qui ne tente rien à rien. Pas vrai? Bon, il aurait quand même fallu attendre Tintin et les Picaros, le dernier album achevé par Hergé, pour voir le capitaine recracher un bon whisky. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que son ami, le professeur Tournesol, expérimente sur lui une mixture de sa fabrication, la fameuse pilule anti-alcoolisme, grâce à laquelle le meilleur des bourbons lui paraît infect. Mais bon, est-ce que cette pilule passe le test de la science ou est-ce simplement une invention d'Hergé? Moi-même, j'étais quand même surpris de découvrir qu'il existe des molécules utilisées dans les cures de désintoxication alcoolique. Mais bon, d'après ce que je lis, les effets de ces médicaments ne se font pas sentir aussi vite que dans les aventures de Tintin. Le disulfiram, par exemple, agit en provoquant des effets secondaires très indésirables comme le mal de cœur, l'envie de vomir, il provoque des rougeurs, de la tachycardie, de l'hypotension, bref, un médicament qui pourrait enlever le goût de boire. Mais bon, cette pilule qu'on voit dans Tintin, là, cette pilule à la tournesol, n'existe pas vraiment. Non, nos médicaments n'ont rien à voir avec l'effet qu'on lui donne dans Tintin. Bref, pour cette pilule, ce n'était qu'une invention de Hergé. Et nous voilà déjà à la fin de l'émission. Merci d'avoir été à l'écoute de ce Grenier Pop spécial Tintin rencontre la science. Entre boules de feu, sérum de vérité et vol d'avion à l'envers, nous avons vu que même les inventions les plus folles d'Hergé ont parfois un pied dans la réalité, ou du moins dans la curiosité scientifique. Moi, ce que je retiens, que les aventures de Tintin, on les lit avant tout pour s'évader, explorer, découvrir sous l'œil d'Hergé de nouveaux pays et vivre de belles aventures en compagnie de Tintin et Milou, son fidèle compagnon et tous ses autres personnages sortis tout droit de l'imaginaire d'Hergé. Et pour ceux qui veulent encourager la station ou simplement s'amuser avec nous, n'oubliez pas, dimanche, notre bingo radio qui a lieu de 13h à 15h. Vous pouvez l'écouter en direct sur les ondes du 101.5 FM ou sur votre télé via Vidéotron, c'est le canal 574, ou Bell, c'est le canal 959. Il y a 5 jeux, 3500$ en prix à gagner. Procurez-vous votre livret contenant les cartes du bingo radio dans un point de vente près de chez vous. Tous les détails sont sur la page Bingo Radio de cbl105.ca. Encore merci d'avoir été là. C'était Frédéric Lavoie pour le Grenier. Le Grenier Pop, un rendez-vous curieux pour les rêveurs et les amoureux. On pop, pop, pop.